qui ne pardonne ngayo pour na silence nangai. Pour traiter ngai na mabenyo so pour na kolinga nangai méchant. Pardon chérie na tineli yo mwana moya maloba na nzembo ndima. Yo tatine yo kayo kanzembo royo okobosana Méditerranée na Sahara. Ma distance e kabolinga ina yo consolation na yo mama nzembo oyo na hiver bina bina nzembo oyo na printemps. Saison ya mama mosa tuna moto ya meto tia kafololo mibale na kozala na yo mama tantine chérie yo tantine tantine nanga yo mosantu na kosenga na mongongo na yo angélica yemela ngai jour après jour et pour toujours nuit après nuit et pour la vie. Mon bonheur, c'est toi. Manzenza. Salam, salam. Yo tantine, tantine, nga yo monsantu. Na kosenga, na mongongo, na yo angélique. Yembe langay, jour après jour et pour toujours. Nuit après nuit et pour la vie. Mon bonheur, c'est toi. Dinga. Pardon, tantine, na voy na ga na zanga yo. Souviens-toi, chérie. Tu viens d'être à Anvers, c'est raconté l'angai, Zimba Sambé l'angai, Mateloyo des marraines, à mon avis c'est côté trouble. Mbote nanga mama, ronga na langwero, démarche na yo tantine, ngana lula kao. Pardon tantine, sois sincère, soki osoye lingai mbanana kokate. Osenga kinga conseil, ngana boya kite, oye bisinga malamu, va proposer yo mariage, ngana juge yango malamu obalae. Pardon tantine, na boy na ngai na zanga yo, souviens-toi chérie, tu viens d'être à Anvers, c'est raconté la ngai, Zimba Sambé la ngai, matelo yo de marraine. A mon avis, c'est côté trouble. On a boy na mona yo tantine na mai na misoe. O boy yo partage nga mama o bosani na bala. Na boy tantine ba mona kayo. Lobi obi mina mosusu lelo obi mina ngai. Lenge la lokumu na yo. Banana mo bali moko. Osali mama mo boti. Tala venir a mwanae. Kito ganzo to tantine esila kae. Pardon tantine, na boy na ga na zanga yo. Souviens-toi chérie, du dernier trait à Anvers. C'est raconté la ngai, Zimba Sambé la ngai, matelo yo de marraine. A mon avis c'est côté trouble. Na boy aussi l'anzoto, on pona la mouloué. Soso ameli mbuma, aibi mongongo na ye. Tolingani tantine, ta la réalité. Amour est le qui m'a cassé, ton bon sani m'a sauté, l'angola m'a inamiso, ton sali comme il conseille, et comme il t'en compote, Luka mama, la paix du cœur, et n'a jugé un homme à l'amour au balai. Pardon tantine, na boy na ga na zanga yo, souviens-toi chérie, tu viens d'être à Anvers, c'est raconté la ngaï, Zimba Sambé la ngaï. Matelo yo de marraine, à mon avis c'est côté trouble. On a boy aussi l'anzoto, on pona la mouloué. Soso ameli mbuma, aibi mongongo na ye. Tolingani tantine, ta la réalité. amour elle qui m'a cassé to bossa ni maso longola maina miso to sali comme ça et comme tango poto luka mama la paix du cœur que n'a jugé un homme l'amour au balai pardon tantina na voy na gana zanga yo souviens-toi chérie du dernier train à Anvers c'est raconté langai Simba sambe langai Matelo yone marene Amon abuse koti trouble Oh chéri chéri sentiro Ronga na ezobae Kitoko nanga sentiro Okabina nanie Pardon tantine Sois sincère Soki oswe linga imbanda Na kosede Osenga kinga konsei Ngana boya kite Oyebi singa malamu Va proposer un mariage, Ngana juge un homme à l'amour au balai. Pardon tantina, na boy na gana zanga yo. Souviens-toi chérie, du dernier train en verse. C'est raconté langai, Zimba sambe langai, Matelo yon de marraine, à mon avis c'est côté trouble. Binda! Go, go!